Leçon 2. Les graphies de yin et de yen. Activité 3. A. Qui vient de loin? B. Il revient bientôt. C. Ils reviennent ici et c'est très bien. D. L'informaticienne revient au bureau? E. Claude est musicienne? F. L'Australien vient de téléphoner. G. Julienne est colombienne. H. Damien tient ses chiens. I. Ils se souviennent de ce voyage. J. Adrien écoute l'italienne.